Salut à toutes et à tous, salut les petits loups. Bienvenue dans le club le plus branché de la place. Pour le ragout jusqu'à la fin de l'année, pour mettre le feu. Starlight, Decibel, Boule à Facette, ça va être la fièvre ce soir. Tu aimes la funk, tu aimes la dance, le disco, la soul. Bah c'est pour toi, mec. Attention, ça va démarrer. Celle pour les jours de brinque, du parfum pour pas que je chingue, et c'est parti pour une nuit de dingue. Ce soir je pète la forme, ça va être énorme. En route pour l'éclat, direction le bœuf écarlate. Dans mes habits de lumière, en stroboscope et laser, je vais faire un effet bœuf au milieu de toutes les meufs. Ça y est, je suis à l'entrée, la gueule face au portier, j'ai trouvé les traits tirés avant de faire le portrait. Mais tu rentres pas, toi. Pas de malaise, blesse, si t'as peur qu'il bouge, fais-lui du baise et t'as le tapis rouge. C'est bon, je suis dans la boîte, mais chez les mêmes moites, cette espèce d'andouille m'a filé une sacrée trouille. Installé au vestiaire avec son pack de bière, y'a Anne-Marie qui s'occupe des habits. Derrière le bar avec ses bonnes bars, y'a la femme de Gérard qui le fait tricard. La piste est comble, bourrée de blondes, je vais mettre en chasse et draguer la pétasse. Bougeant sur le laouche, aperçoit des bilouches, les mains dans les poches, putain qu'il est moche. Oh, c'est bon, lui, le dans le la femme d'entourage. T'as besoin d'aide, les bilouches, tu m'appelles, mec. Non, non, ça va, je m'en occupe. Piercing, taille basse et string, c'est vraiment la totale en toute son futaille. Oh là, oh là, oh. Attends, oh, oh. Terrible. Pour attirer joue en saut, pas besoin de cerveau, une belle paire de fesses et un petit peu d'adresse. Je m'avance et l'apostrophe, mais aïe, c'est la catastrophe, elle me fugit du regard, pour elle, je suis un ringard. J'adore ce genre de dance, celle qui vous fait du gringue en vous passant devant et en vous ignorant. Je vais pas m'attarder ici, ce sera abruti, j'ai pas du tout ma place au milieu de toutes ces garces. Y'a bien le striptease vers minuit pile, nuit intégrale, mais ça m'est égal. Je vais aller voir ailleurs s'il fait meilleur, j'en ai ma claque, du bœuf écarlate. Je pense au Miracle Club et son pub qui ferait l'affaire pour pas trop cher. Allez, je m'arrache, salut les amis, cette fois je vous lâche et je vous dis bonne nuit. Ouais, c'est ça, casse-toi, fous le camp, tu pues, mec. Allez, dégage ou je te pousse sur la gueule, disparais. Va voir ailleurs si j'y suis. Ça va, okay. On se calme. Et de toute façon, je m'en fous totalement, moi. Eh, c'est pas les clubs qui manquent. Y'a le faux cul, y'a le faux cul, le dos de la bûche.